Chapitre 2e. George Holyland, qui ne soupçonne pas l'effet qu'il a produit dans l'asile doux, chaud et tranquille de la famille, fait son apparition à South Lane à l'heure convenue. Les mots « Villa des Roses » sont inscrits sur la porte d'entrée. Le jardin, éclairé par un beau soleil, brille de tout son éclat. Le long des murs du petit vestibule, des jardinières sont remplies de fleurs. Le calme, la fraîcheur de l'air, le parfum des fleurs, tout se réunissait pour inspirer aux transfuges du West End un sentiment de repos. Je ne m'imaginais pas que Camberwell pût être un si joli endroit, dit le capitaine Leland, d'un ton aimable en serrant la main de Madame Trevenock. On se croirait ici à la campagne. En ce moment, il entrevoit de sveltes jeunes personnes qui cherchaient à dissimuler leur présence dans la pièce voisine. Les portières étaient relevées de manière à ne former qu'un appartement qui plongeait sur le jardin. « Mes filles !» balbutie Madame Trevenock. Puis elle acheva la présentation d'un ton plus officiel en reprenant « Le capitaine Leland, Mademoiselle Trevenock, Mademoiselle Florence. » Nouvel échange de poignées de main. Florence prétendit plus tard qu'à ce moment une rougeur subite envahit les joues bronzées du capitaine, tant il s'attendait peu à trouver à Camberwell une personne d'une beauté aussi incomparable que celle de Barbara. Il se hâta de dissimuler sa surprise sous cette phrase banale. « Vous paraissez avoir un bien grand jardin. Vu la distance si rapprochée où nous sommes de Londres, c'est presque en effet un grand jardin, » répondit modestement Madame Trevenock. « Vous plairait-il d'en faire le tour ?»« Très volontiers, mais il faut d'abord que j'aille payer mon fiacre, » dit le capitaine, rappelé inopinément aux soins de la vie matérielle. Il fit ensuite monter ses malles dans son appartement, paya généreusement son cocher et retourna au salon où l'attendaient Madame Trevenock et ses filles. Elles n'avaient pas fait grande toilette ce jour-là, mais leur mise, si simple qu'elle fût, était irréprochable. Dès que le capitaine fut descendu, on se rendit cérémonieusement au jardin. Malgré ce qu'on venait de dire de ses dimensions, les allées ne permettaient pas à plus de deux personnes de marcher de front. Madame Trevenock et le capitaine prirent les devants, échangeant des exclamations admiratives sur les plantes de belle venue qui ornaient les massifs. Les deux jeunes filles se promenaient ensemble, avec cette grâce d'attitude qui est un des dons de la jeunesse. Un bel espalier s'étendait comme un rideau entre le jardin d'agrément et le potager, séparé seulement par un mur très bas d'un canal. Madame Trevenock, portée à voir les choses du côté humoristique et pittoresque, dit au capitaine que du premier étage, ce jardin et ce canal lui rappelaient la Hollande. Elle ne connaissait pas ce pays, mais chez elle, tout était prétexte pour donner cours à son imagination. « Que penses-tu de notre pensionnaire ?» dit tout bas Barbara à Florence, qu'elle avait entraînée un peu à l'écart. « Il est divinement beau, » répondit-elle en suivant sa pente habituelle à l'exagération. « Disons simplement qu'il est assez bien de sa personne, malgré sa peau tannée. Mais que de terre de sienne brûlée il faudrait employer pour faire son portrait. Jamais plus noires moustaches n'ont ombragé des lèvres masculines. Son extérieur fait impression par son originalité, mais de là, un héros de roman, il y a bien loin. J'ai la prétention de voir les choses et les hommes tels qu'ils sont, reprit Florence avec conviction. Le capitaine et Madame Trevenock passent en ce moment près des deux sœurs. Barbara a beau dire. Il est encore mieux physiquement qu'on ne l'avait cru au premier coup d'œil. Très régulier, franc sourire, beaux yeux, grande taille, et cet air de commandement que ne donne pas seulement l'exercice, mais la vocation du métier des armes. On comprend le charme que ce jardin doit avoir pour vous, dit le capitaine. Je ne me rappelle rien de plus joli dans le Somersetshire. Le Somersetshire ? Répète Madame Trevenock. Seriez-vous de ce pays ? Oui, ma famille habite Taunton. Madame Trevenock, après un soupir, ajouta « Je connais peu ces parages. La famille de mon mari est une des plus anciennes de Cornwall. Un Trevenock était membre du premier parlement de la reine Élisabeth. » Ce n'est pas par un vain orgueil que Madame Trevenock s'empresse de faire montre des avantages que la pauvreté a été impuissante à lui ravir, mais pour prouver à son pensionnaire le respect et la considération avec lesquels elle entend qu'on la traite. La courtoisie de ses manières est parfaite. Mais qui sait, dans son fort intérieur, s'il ne se regarde pas comme placé au-dessus d'elle dans l'échelle sociale. Le trait est en effet le signe d'une origine fort ancienne, et Trevenock est un très beau nom. Mesdemoiselles, vos filles, sont-elles nées dans le Cornwall ? Non, elles sont nées à Londres. au tintement des cloches de la ville, dit Florence, qui s'était rapprochée de sa mère et du capitaine. Si vous n'avez pas d'engagement pour aujourd'hui, reprit Madame Trevenoc, voulez-vous nous faire le plaisir de dîner avec nous? J'ai un engagement, mais je n'en accepte pas moins volontiers votre aimable proposition. Madame Trevenoc quitta le jardin sous prétexte d'ordre à donner, laissant ensemble le capitaine et les deux jeunes filles. Le capitaine trahissait non moins d'embarras que Barbara. Seule, Florence avait un aplomb expansif et imperturbable. Voilà comment elle entama la causerie. Vous connaissez les Indes, capitaine. Comment trouvez-vous ce pays? Je le trouve magnifique. Mais il paraîtrait moins agréable à une jeune personne élevée dans la civilisation raffinée de Camberwell, dit Florence en l'interrompant. Malgré la fatigue d'une vie qui ne m'a pas laissé un moment de repos, je conserve un très bon souvenir de ce pays. Avez-vous vu beaucoup de batailles? J'ai eu d'abord à diriger des travaux pour l'érection d'un hôpital. J'avais à surveiller les ouvriers et à leur montrer le maniement de tel ou tel outil. Exposé pendant des journées entières à l'ardeur implacable d'un soleil dont le vôtre, avec ses faibles lueurs, ne peut donner la moindre idée, n'ayant aucune notion préalable de l'architecture, j'aurais trouvé plus simple de manier le fusil que la truelle. Mais j'ai tracé des routes. En un mot, on m'a fait faire tous les métiers. Après ces travaux pacifiques, sont venues les campagnes. J'ai dû faire la leçon à ma troupe, comme je l'avais faite à mon régiment de travailleurs. « Vous n'avez jamais embroché personne ?» dit Florence d'un air épouvanté. « Il faut bien avouer que cela m'est arrivé plus d'une fois. Mais si vous vous trouviez en face d'un sauvage, féroce comme un tigre et prêt à vous exterminer, que feriez-vous ? Je me sauverais. Ce n'est pas l'usage. Nous autres militaires, nous ne pouvons que recevoir la mort ou la donner. » Florence semblait se demander in petto si elle vivrait jamais en bonne intelligence avec un si grand monstre, mais la jeune fille, après l'avoir regardée au travers de ses cils dorés, se sentit rassurée. Il avait plutôt l'air d'un héros que d'un loup-garou. Elle se dit aussi que sa sœur jouait un rôle absurde en tirant par-ci par-là des brindilles de vigne vierge sans prendre part à la conversation. Voilà pourtant à quoi aboutit une vie retirée. Car Barbara est un génie qui connaît par cœur Shakespeare et Lord Byron, sans parler des effusions de poésie auxquelles elle se livre elle-même. Les Indes sont un pays très étendu, n'est-ce pas? Oui. On y a ses coudées franches pour faire la guerre, mais pour vous épargner des descriptions géographiques, techniques et ennuyeuses, voulez-vous me permettre de vous apporter les croquis que j'ai faits pendant mon voyage au pays des cinq fleuves? Tout en parlant à Florence, le capitaine regarde Barbara d'un air interrogateur. Cette jolie bouche ne finira-t-elle donc pas par s'ouvrir? Je serais enchanté de les voir, dit-elle enfin. Quoique Florence et moi nous soyons d'une grande ignorance sur bien des points, la géographie est encore notre point le plus faible. Ma mère a été notre seul et unique professeur, et comme elle est l'indulgence même, nous n'avons jamais rien étudié que ce que nous avons voulu, et nous ne voulions pas apprendre la géographie. Si vous me demandiez, par exemple, où est le Kamtchatka, je serais en état de vous répondre que c'est dans un pays où il fait un froid des plus rigoureux. Mais quant au degré de longitude ou de latitude, je n'en ai pas la moindre notion, je l'avoue, c'est beaucoup trop fort pour moi. Ne faites pas ainsi les honneurs de notre ignorance, car le capitaine nous prendrait au mot. Il n'en fallait pas davantage pour rompre la glace, et on continua à faire quelques tours de promenade dans le jardin, causant de choses et d'autres. Puis la jeune servante vint annoncer que le dîner était servi. Madame Trevenoc avait si libéralement ordonné le menu que Florence ne put se défendre de se dire à elle-même « Si on continue sur ce pied, le capitaine sera la cause de notre ruine. Une livre sterling par semaine ne saurait suffire à un tel luxe. » Le capitaine Leland fit les honneurs de sa propre personne avec tant de franchise qu'il semblait, avant la fin du repas, qu'on le connût depuis des années. « Mon père était dans les ordres. Ma mère vit encore. Sans fortune, ils ont élevé une famille nombreuse. Une bonne éducation est le seul bien dont nos parents nous aient dotés. Chacun de nous doit trouver moyen de s'établir et de se suffire à lui-même. Deux de mes frères appartiennent au clergé. Quatre de mes sœurs sont mariées. L'aînée est une vieille fille et l'ange tutélaire de la maison. Qui a pu alors vous inspirer le goût d'une profession aussi cruelle ? Demanda Florence au capitaine. N'avez-vous pas des remords de faire la guerre à des créatures de Dieu ? Du tout. Je suis enchanté de mon sort. Puis il leur apprit qu'il était resté 8 ans dans l'Inde, après quoi il avait sollicité un congé d'un an. Les 6 premiers mois étaient déjà écoulés. Il les avait consacrés à sa famille. mais il voulait employer les 6 derniers à l'étude du sanskrit et des lois indiennes. On resta longtemps à table. Le capitaine avait un appétit de batteur en grange. On passa ensuite au salon. Un piano était placé près de la cheminée. De tous côtés, des livres, des fleurs, sans joli rien, attestaient la distinction et la personnalité des maîtresses du logis. Une douzaine de gravures, d'après les meilleurs maîtres et que Madame Trévenoc appelait sa galerie de tableaux, donnaient de la vie au mur. Le piano était ouvert. Le capitaine parla musique et supplia que l'on en fît. Les deux sœurs jouèrent à quatre mains une sonate de Mozart. La mère chanta un duo avec Barbara, dont le contralto bien timbré eût été digne de recevoir des leçons des plus grands maîtres. Le capitaine écoutait et admirait. Il insinua qu'il avait une voix de baryton et qu'au besoin il ferait sa partie. Madame Trévenoc ayant été obligée d'aller tourner les feuillets de la sonnette de Mozart, le capitaine put procéder à un inventaire complet des livres placés autour de lui, pensant non sans raison que cet examen l'éclairerait sur le caractère distinct, intime, personnel du trio féminin chez lequel il se trouvait. Il constata que des livres de choix décelaient une éducation cultivée, un esprit élevé et de nobles aspirations. Madame Trévenoc est à coup sûr une femme des plus distinguées, et l'aînée de ses filles est la plus belle personne qu'on puisse voir. Mais, pensa-t-il en lui-même, en se frappant le front, aurais-je déjà reçu le coup de foudre? Non pas, non pas. On peut voir une belle personne sans l'aimer du premier coup comme un fou. Non, Dieu merci, je n'ai pas cette faiblesse.